notre chien qui disparaît dans nos vies. Que par la mort ou dans la vie, ça fait mal. On peut rien faire que de subir notre peine en douceur, en douceur. Dormir, dormir sans même pouvoir nous dire un mot. Dormir pendant des heures sans rien entendre, sans même nous voir. Dormir, on ne veut pas quand tout est fini comme ça. Dormir, ta voix et ton sourire nous manquera pour très longtemps. Sans un regard de toi. Dormir, l'angoisse, le désespoir qui nous emporte, nous envahit. Dormir, on gardera de toi des souvenirs. Jamais pour rêver d'une autre vie, d'une joie de vivre.